soudain. Laissez-le, c'est de la merde. Et voilà. Vous avez rien ou pas foutre, tu regardes la télé. Allez, sortez de là, on en a rien à branler. Vive l'anarchie. Image du livre, est-ce qu'on va sortir faire un petit tour dans la ville, pour le pâté de maison, comme un vieux livre, c'est tous les personnages. Après trois semaines de traversée, le Melquiades arrive à La Guerre, Venezuela. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. Pour être vrai, il convient de dire que ces refrains viennent à vous dans les rues de la ville moderne, une fois couché le soleil. Bonjour Saint-Étienne, bonjour le monde et bienvenue sur le 895 de Dio si vous nous rejoignez en ce lundi 9 septembre 2024. C'est la grande rentrée, reprise pour des mots, des sons sensibles comme vient de l'indiquer l'indicatif et générique à l'instant. C'est reparti pour une saison 2024-2025 d'infos, d'actualités politiques, sociales et culturelles. On va tenter à nouveau de vous proposer l'info, l'actu locale, d'une manière peut-être différente sur Dio et dans ce programme à retrouver tous les jours ou presque, lundi, mardi, jeudi, 12h, rediffusion 19h et le lendemain matinal dès 8h. Une rentrée donc et une reprise en ce lundi pour une semaine, une saison qui s'ouvre avec une émission spéciale consacrée à Louise Michel et à cet événement. Cette quinzaine Louise Michel qui s'est ouverte hier et qui va se prolonger jusqu'au 22 septembre prochain. Une quinzaine spéciale concoctée par Sabrina Laure qui est avec nous. Bonjour Sabrina. Bonjour Lionel. Et bienvenue sur le 895 de Dio. Enchanté d'ouvrir cette semaine et cette saison autour de cette figure mythique qu'est Louise Michel. Je suis un peu partagé entre à la fois réjouissance et résignation dans ce monde tellement et si... Hein ? Bon, les mauvais jours finiront, on l'espère. On l'espère, vivement les temps nouveaux. En tout cas, cette quinzaine s'est ouverte hier. Elle s'est même ouverte en avant-première sur le 895 de Dio. C'est une vingtaine de lieux associés pour cet événement consacré à Louise Michel, une vingtaine de lieux, de nombreux événements qui vont se décliner en poésie politique, en conférences, en spectacles, performances, expositions, projections, tant de rencontres aussi et de repas partagés, des lectures, des scènes ouvertes, des ateliers, des balades, de la sérigraphie, bref. Tout ça. Un événement complètement et pleinement interdisciplinaire consacré donc à Louise Michel, dont nous allons parler bien entendu, émission spéciale que nous avons préparée ensemble et que tu as plutôt même, fait force proposition pour le conducteur déroulé de cette émission. Tu as fait appel à diverses contributions, donc une émission musicale aussi essentiellement, avec une playlist que tu as proposée, mais réalisée collectivement, puisque tu as fait appel justement eh bien, à tous ceux et celles qui vont être aussi partie prenante de l'événement. Ben oui, c'est ça. Ouais, ouais, une envie de ne pas être toute seule aujourd'hui derrière ce micro. Ben oui, du coup une émission aussi collective, même si tu es là aujourd'hui un peu seul au poste et en poste, porte-parole ou presse. En tout cas, tu es aussi quand même la coordinatrice véritablement de cet événement avec l'ensemble nomade que tu représentes. Oui. Une quinzaine, ce n'est pas une première sur Saint-Étienne autour de Louise Michel en cette année 2024, mais tu as aussi réalisé d'autres quinzaines par le passé, dont tu peux faire peut-être un petit rappel historique à chaque fois cet événement complètement collectif, consacré à une figure politique ou culturelle d'ailleurs, ou est culturelle. Tu veux refaire un petit rappel ? Ouais, ben on a commencé en 2012 avec Richard Brautigan, un auteur américain des années 60-70. Et puis on a continué et on s'est dit que tous les deux ans c'était une bonne formule et on a continué avec Rosa Luxembourg en 2014 et là ça a duré un mois, dans toute la ville de Saint-Étienne et aux alentours aussi. Puis Katabiasine, puis se sont écoulées quelques années sombres et douloureuses pour plein de raisons. Donc on a repris il y a 2 ans, en 2022, avec Mahmoud Darwish, un magnifique auteur palestinien. Et cette année, eh bien, on fait crier Louise Michel. Louise Michel, dont on va parler, que l'on va présenter également et dont on va reprendre quelques éléments de programmation parce que celle-ci est très chargée hein, durant cette quinzaine jusqu'à ce 22 septembre prochain. On rappelle d'emblée qu'il y a un site dédié, c'est Quinzaine Louise Michel, tout accroché en minuscule, quinzainelouisemichel.blogspot.com, et où là vous avez l'ensemble de la programmation en détail. Alors, en propos introductif, j'aurais aimé reprendre la contribution de Sidonie Vereg, qui est politiste à l'Université de Lille, spécialiste de l'histoire des idées anarchistes et féministes, que vous avez intégré à l'édito finalement de cette quinzaine et que je vais citer. En 1909, le journal anarchiste Les Temps Nouveaux s'inquiète des récupérations politiques dont fait l'objet Louise Michel. Née en 1830, décédée en 1905, morte quelques années plus tôt, dans 50 ans, si toutefois nous n'avons pas fait auparavant la révolution sociale, Élisée Reclus et Louise Michel feront partie du Panthéon républicain et on verra leur nom sur les manuels d'école primaire. En 2024, c'est effectivement le cas pour Louise Michel. Plus de 600 rues portent son nom et elle est régulièrement proposée pour entrer au Panthéon. Alors comment expliquer que cette propagandiste anarchiste soit aujourd'hui devenue une figure légitime de l'histoire républicaine ? Sacrée question posée qui m'a interpellé d'emblée au regard de ce qui a pu aussi se dérouler durant cet été. Et je pense plus précisément à cet événement sportif que sont les Jeux Olympiques. Manifestation internationale où le 26 juillet dernier, Louise Michel faisait partie de ces 10 femmes inspirantes célébrées lors de cette cérémonie d'ouverture. Le fameux buste de Louise Michel qui est apparu. Alors voilà, forcément, on met aussi cela en lien avec le propos tenu à l'instant. Et puis ce fut encore chose faite, pas plus tard qu'il y a encore quelques jours, Jeux Olympiques certes, Jeux Paralympiques à nouveau, où là, la flamme paralympique s'arrêtait au mur des fédérés du cimetière du Père-Lachaise. C'était fin août dernier. Donc, sorte de petit souffle comme ça, révolutionnaire, dont on peut interroger le sens. Petit alors, peut-être. Dans ces parcours et cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques. Avec la révolution donc de 1789, c'était donc la Commune de Paris 1871 qui était célébrée et cette flamme paralympique qui s'arrêtait au mur des fédérés du cimetière du Père-Lachaise, le temps d'un salut et d'entonner le temps des cerises. Même si on peut associer la chose d'une manière ou d'une autre et tirer des fils, parce que c'est aussi rappelé par une association qui va aussi être invitée durant votre quinzaine, c'est les amis et amis de la Commune de Paris 1871 qui ont rappelé que Pascal Grousset, un communard, avait créé la Ligue nationale de l'éducation physique en 1888 et qui promouvait comme ça les jeux et les sports dans l'école de la République. Bref, vaste récupération. Ouais. Peut-être qu'on peut continuer avec Sidonie Vereg et j'aime bien les arguments qu'elle relayait par la presse de l'époque qu'elle tire dans son bouquin Vive Louise Michel où elle se questionne sur Louise Michel et toutes ses récupérations et elle dit très simplement Louise Michel est communarde donc monstrueuse, révolutionnaire donc folle, féministe donc hystérique, célibataire donc déviante. Donc c'est vrai que cette petite récupération pour les manifestations olympiques de cet été bon, m'ont fait sourire et à la fois m'ont réjoui d'une certaine manière. J'ai trouvé ça un peu décomplexé de faire cette proposition. Bon, je ne sais pas trop quoi en penser. Je ne sais pas. En tout cas, ça a existé. En tout cas, ça a existé. Cette quinzaine Louise Michel s'est ouverte, alors je le dis en avant-première sur Duo depuis le 1er septembre dernier parce que nous allons proposer durant cette quinzaine différents temps radio dédiés. Mais la quinzaine en tant que telle s'est ouverte officiellement hier, Sabrina. Oui. Avec une lecture spectacle que tu as travaillé, mise en scène, mise en espace. Alors juste, je voulais revenir sur ce temps d'ouverture quand même, à la J+2, jour 2 de cette quinzaine. Comment s'est passée cette entrée en matière ? Merveilleusement bien, mais je tiens alors juste à dire que la proposition est venue d'Alain Besset, directeur du Choc Théâtre, qui depuis 3 ans monte un festival qui s'appelle Mon Plaisir et Stéphanois et qui m'a proposé comme une espèce de lien, filiation, transmission de clôturer Mon Plaisir et Stéphanois en proposant un spectacle autour de l'œuvre ou des luttes de Louise Michel pour ouvrir la quinzaine. Donc voilà, il y avait un autant nouveau, donc cette association sportive de boulistes pas loin du Choc, il y avait du monde, vraiment. Moi, ma proposition était de réunir des comédiennes et de travailler autour des lettres écrites par Ludivine Bantini, qui est historienne et qui a écrit aux communeux et aux communeuses. Donc j'ai fait une espèce de montage adaptation que l'on a proposé en lecture spectacle hier et les gens ont répondu présents, étaient là, bien là, et c'était une belle ouverture. Alors toi tu dis communeux, communeuse. Oui, alors je dis ça parce que je suis bonne élève et que j'ai appris de Ludivine Bantini, qui, pas d'elle uniquement, mais en tout cas par elle, en ce qui me concerne, qui nous raconte que communard, c'est un mot qui est venu des ennemis de la commune, des Versaillais, et qui était lancé comme une espèce de crachat à la gueule des communeux et des communeuses, des fédérés, que l'on pourrait aussi dire des fédérés. Donc elle décide de ne pas utiliser ce mot, mais évidemment, un mot qui a été repris par les intéressés, comme pour lui donner une autre... d'autres lettres de noblesse, mais oui, on peut dire ce qu'on veut. Hein. Mais merci de cet éclairage, en tout cas. Alors, il va y avoir une approche historique, forcément. Mais alors, comment tu as procédé ? Alors, je rappelle juste que ce spectacle que tu as donné, que vous avez donné hier en ouverture, « Je lutte, donc je vous suis », oui, va être joué à nouveau durant cette quinzaine. On peut peut-être le rappeler d'emblée. Oui, le 14, lors de la venue de Ludivine Bantini, d'ailleurs. L'ouvrage s'appelle « La commune au présent ». Donc, l'ouvrage ne s'appelle pas « Je lutte ». Donc je suis, c'est juste un titre proposé pour la lecture. Et en sa présence, donc on espère juste, je crois qu'elle a hâte de découvrir ce qu'on a pu en faire. Bon, avec un peu de trac pour ma part, mais voilà. Donc le 14, à partir de 19h, juste après le vernissage de l'exposition de Jean-Marc Sérino au Choc. Voilà, ce sera le 14 septembre. Oui. On va essayer comme ça de distiller quelques éléments de programmation durant cette émission qu'on va tenter de faire en quoi aller de 60 à 90 minutes. On va faire au mieux parce que le programme va être chargé. Alors juste, oui, autre question d'emblée, c'est comment finalement as-tu préparé, concocté cette quinzaine Louise Michel et notamment ce travail autour de cette figure assez mythique que l'on a tendance peut-être à réduire et concentrer sur cet événement politique quand même aussi inédit et unique, cette expérience révolutionnaire de la Commune de 1871, qui est une expérience de 2 mois à peine, mais assez unique, qui s'est aussi déclinée en différentes villes de France, sous parfois des formes beaucoup plus resserrée et réduite, mais il n'y a pas que cela, l'œuvre de Louise Michel est aussi importante et conséquente. Alors voilà, comment tu as préparé tout cela ? Alors moi, j'apprends avec ces quinzaines, et souvent je fais le choix d'une figure où je la lance, je la propose, parce que je ne sais pas trop, où j'ai pas des a priori, mais une méconnaissance, une envie de connaître, une envie de m'en approcher, une envie d'apprendre. Donc Louise Michel, ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête, et quelqu'un m'avait dit, après Rosa Luxembourg, peut-être que te viendras à l'idée de proposer une quinzaine autour de Louise Michel. Je l'avais un peu oublié, mais peut-être pas tant que ça. Donc je l'ai concocté avec, humblement au départ, j'ai commencé à faire des petites recherches, à contacter des gens qui me semblaient plus spécialistes, c'est pas très joli comme mot, mais en tout cas plus aguerris, plus que moi, et qui m'ont proposé de me mettre en contact avec un tel, une telle, des rencontres, discuter des invitations, des lectures, et au fur et à mesure, j'ai contacté des Stéphanois, des artistes. Je leur ai proposé, comme sur toutes les quinzaines, de s'approprier l'œuvre et les luttes de Louise Michel et d'en proposer une expo. Enfin, ça se construit de manière très artisanale. Donc, très libre, très ouvert. Oui. Carte blanche, finalement. Oui, carte blanche. Donnée aux bonnes volontés. Et sans... volonté de... En tout cas, avec la possibilité de pouvoir se tromper, se planter, voilà, de ne pas savoir. Enfin, moi, je crois que c'est le maître mot de ces quinzaines. On a le droit de ne pas savoir et d'apprendre. Et de... Enfin, bon. Très bien. Alors, tu as fait justement la transition entre Rosa Luxembourg et Louise Michel, puisqu'il y aura précisément un temps aussi, hein, qui sera consacré à Rosa Luxembourg et Louise Michel et la Commune. Ce sera prévu, je crois, le 19 septembre prochain, avec la contribution de Dominique Villepoiré. Oui. Donc, tu peux dire quelques mots et présenter en quelques... Eh bien, Dominique, depuis Quartier Libre à Saint-Étienne, si je ne me trompe pas, en 2014... On s'est rencontrés, on est devenus très proches, très amis, et elle a fait un boulot immense sur Rosa Luxembourg. Elle est venue à de nombreuses reprises à Saint-Étienne pour proposer ce travail autour de Rosa Luxembourg, et il était évident de lui proposer de venir pour nous raconter Rosa Luxembourg et la Commune, son point de vue. Avec des occurrences autour de Louise Michel, bien entendu. Mais comme on parle de Louise Michel, de son œuvre, mais aussi de ses luttes, ça nous paraissait complètement évident d'inviter Dominique, et c'est une fidèle des quinzaines, donc il y a quelque chose aussi de très amical dans ces quinzaines. Et qui sera donc invité parmi d'autres. Ce sera le 19 septembre au Choc Théâtre à nouveau, une projection autour de Louise Michel en son temps, un documentaire et puis une rencontre en présence de Dominique Villepoiré, mais aussi Philippe Mangion, qui est membre de l'association Louise Michel de Haute-Marne et de l'association des amis et amis de la Commune de Paris, ouais, dont on parlait tout à l'heure. Voilà, donc ça va faire un petit peu doublon. On va reprendre quelques éléments de programmation, comme on le disait, non pas reprendre par ordre chronologique, mais finalement plutôt sous ta proposition, Sabrina, un petit peu par thématique. C'est ce qu'on va tenter de faire, en tout cas, durant cette émission. Alors, je propose que l'on ouvre de suite avec une première proposition musicale. On écoute les Bikini Kill et le fameux titre Rebel Girl. Down. Technique Hill, donc une proposition de Maud Plume de Loutre. Vous la connaissez plutôt peut-être sous ce pseudo, qui va nous proposer un atelier d'écriture demain au Bar et Vous à partir de 21h. Et je crois que Maud avait envie d'actualiser un peu la lutte, parce que la proposition de cette playlist, c'était pas une playlist liée au 19e, fin du 19e siècle, mais qui raconte la lutte, la révolte à n'importe quelle époque. Donc voilà, je pense que pour elle, Bikini Kill, c'est Rebel Girl, défonce tout dans le punk, donc ça lui faisait plaisir de nous proposer ça. Et comme Louise Michel est pour elle un exemple d'une posture, elle semble dire presque sacrificielle dans ses idées, ses actions. Donc voilà la proposition de Maud. Au milieu de tous ces ateliers qui auront lieu pendant la quinzaine, la chorale, les ateliers pour enfants, pas uniquement pour adultes, mais pour enfants. Et ça, on y tient pendant les quinzaines, des ateliers d'écriture, de dessin. Voilà, plein de choses. Ateliers d'écriture, donc... avec Maud, c'est au Bar et Vous, c'est mardi 10 septembre demain, ou ce soir, attention si vous chopez la rediff, à partir de 21h. Également aujourd'hui, ce lundi 9 septembre, puisqu'on peut peut-être aussi être plus à chaud, on va dire, dans les rendez-vous du moment. Avec Clémence Fitt. Absolument. Et ça, c'est ce soir au CREFAD. Oui, à partir de 18h30. Atelier d'écriture, le cri dans les cris. Est-ce que tu voulais faire focus sur d'autres temps ateliers ? Alors les temps d'atelier, moi j'exagère un peu peut-être de préciser et repréciser qu'il y a des ateliers pour enfants, mais vraiment c'est tellement important d'engager les enfants dans une réflexion sur le monde dans lequel ils vivent, leur monde, et donc les ateliers dessin, animé par Véronique Vernette à la gueule noire. Bientôt, ce sera le samedi 14 après le petit resto de 15h à 17h. Les ateliers d'écriture pour enfants animés par Clémence Fitt mercredi. Y a des centres loisirs qui ont été contactés, mais tous les enfants sont les bienvenus, il reste de la place. Donc voilà, si ça vous fait envie, ça vous fait envie, ça fait envie à vos enfants, aux enfants de vos voisins, vos voisines, bienvenue. On va rappeler peut-être un mail justement, un contact, parce que voilà, les propositions vont être nombreuses, pour ne pas vous y perdre. En tout cas, voilà, sur inscription ou renseignement info, etc., n'hésitez pas à contacter la compagnie Ensemble Nomade. Et donc c'est compagnie, CIE.ensemble.nomade@gmail.com. Oui. Voilà, compagnie.ensemble.nomade@gmail.com. On poursuit notre petit parcours musical avec une nouvelle donc et deuxième proposition. Out where the river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. The time has come, a fact's a fact, young Abu. The western desert lives and breathes in 45 degrees. The time has come to say things fair, to pay the rent, to pay our share. Voilà, on écoutait Midnight Oil, et juste pour vous dire que c'est une proposition de Régine Gouel qui proposera une lecture pendant la quinzaine, mais avant peut-être de parler des lectures, des spectacles ou des performances, juste vous indiquer pour qui a envie de se balader dans la ville, même si on ne la connaît que trop bien cette ville, il y a une petite balade qui sera proposée par Pascal Bonnard, qui est politiste à Saint-Étienne, et moi-même, qu'on a appelé les rues des fédérés. Il semblerait que Saint-Étienne soit la ville où il y ait le plus de noms de, allez, pour utiliser ce mot, de communards et de communardes. Enfin, de communards, non, pas trop, parce que je crois que, mis à part Louise Michel, ce ne sont que des noms de... On a un boulevard tiers. Autre registre. Aussi, autre registre. Et voilà. Et donc, du coup, Régine nous proposait donc Midnight Oil pour ce cri de douleur et de colère. Je crois que c'était ça son choix. Et elle nous proposera une lecture à la dérive le lundi 16 autour du procès de Louise Michel. Elle s'est accompagnée de comédiens, de musiciens, et ça va être la surprise. Je ne sais pas du tout où ils en sont dans la préparation. Et tout ça au milieu de d'autres lectures, d'autres spectacles, une proposition de Johanna Elalouf au Petit Boulogne, une lecture suivie d'une rencontre à la librairie L'une et l'autre du texte de Philippe Mangion. Une lecture autour de la correspondance de Louise Michel et Victor Hugo, une proposition de Colette Audinat sur Louise Michel et l'Algérie. Les légendes kanak vont être mises à l'honneur par une compagnie de théâtre amateur accompagnée de Françoise Basset, violoncelliste, et Xavier Michel, musicien que l'on connaît bien, je crois, à Saint-Étienne. Un spectacle qui s'appelle « Chères communeuses » et qui est une rencontre tout à fait particulière avec deux comédiennes toulousaines qui se déplacent jusqu'à Saint-Étienne pour nous proposer leur travail et qui semblent enchantées. Enfin bon, pas mal de choses. Et une performance, on clôturera cette quinzaine au Verso, au théâtre Le Verso, avec une performance qui s'appelle « Je vous écris de la nuit » ou alors « Je peux pas, j'ai révolution », par Emmanuelle Dacosta, musicienne, et Luce Zurita, qui est musicienne aussi, Juliette Barget, Cécile Théry et Julie Debélis, qui sont ces dernières danseuses. Voilà, donc pareil, une performance, une surprise. Performance de clôture. Donc, dans les idées féministes de Louise Michel, au Verso le 22 septembre. Alors oui, parce qu'on n'a pas présenté en fait Louise Michel, mais peut-être qu'il serait bien d'en donner quelques mots, parce qu'on la connaît anarchiste, révolutionnaire, mais c'était aussi une autrice de nombreux romans, poèmes, contes, pièces de théâtre, oui. Également. Oui, une institutrice aussi, ne pas oublier tout le travail qu'elle a pu faire sur... Je dis ça parce que, comme on veut être dans l'actualité brûlante de la quinzaine, ce soir, après une lecture à destination des enfants prévue à 18h, à 19h, une table ronde avec Brigitte Boada, des instits de Gaspard Monge, sur l'école publique et l'éducation de Louise Michel à aujourd'hui. Donc voilà, juste ce petit, parce que soyez, venez, et puis interrogeons-nous ensemble et avec les enfants qui seront présents à la lecture sur un rêve d'école, une école autrement, peut-être. École laïque, école aussi pour les jeunes filles, qu'elle a aussi énormément théorisé et travaillé, hein, oui. Bien avant d'ailleurs la commune. Ouais. Et effectivement, elle a développé des idées. Elle ne se disait pas féministe, mais elle laissait évidemment et de fait la place à ces idées-là très fortement, de manière très très très engagée. Mais c'est marrant parce que ça me rappelle un peu Rosa Luxembourg qui ne laissait pas les questions féministes à Clara Zetkin, mais un peu quand même, comme si tout leur paraissait, comme si ça leur paraissait évident d'être femme, de prendre place, le pouvoir, de dire, alors que c'est pas si simple, on s'en est bien rendu compte et c'est toujours... Oui, mais malgré tout, elle avait tout de même organisé dès avant la Commune, dès 1866, la Société pour la revendication des droits de la femme, avec Paul Minck, oratrice politique, André Léo, romancière également, une sorte de théorisation avant l'insurrection, puisque dès 1871, elles ont pu travailler aussi à mettre en pratique, finalement aussi, ces théories et ce travail de réflexion amorcé donc en amont et qui ont fait un peu les fondations et bases ou prémices avant soulèvement. Ouais, puis dénoncer un petit peu tout ce qui... toutes les choses qui ont pu être pensées, dites par les hommes, les grandes figures masculines de l'époque, que l'on pensait très progressistes, hein, quelquefois, où voilà, où les femmes étaient quand même mises au rebut, de manière très volontaire. Et, c'était pas encore pleinement l'émancipation. Hein, non, bah, après, je sais pas si c'est... Sous la Commune même, ouais, d'ailleurs. Voilà. Hein, je veux dire, elles n'ont même pas eu place au poste de responsabilité, ouais, ou de pouvoir, entre guillemets. Pas de vote ou droit de vote accordé, hein, même sous la Commune. Enfin, je veux dire, voilà. Donc on peut évidemment lui accorder la place qu'elle a faite aux femmes et aux questions féministes. C'est juste que, effectivement, je crois que l'important pour Louise Michel, c'était la révolution sociale sous tous les angles, sous tous les aspects, mais ça au cœur de la lutte. Et sans concession. On poursuit ? On poursuit. Avec une nouvelle proposition musicale et l'occasion aussi d'ouvrir une nouvelle page de programmation de cette quinzaine Louise Michel. On s'en fout, la jeunesse emmerde le Front National. Plus jamais jeunesse immigrée. Solidarité. La jeunesse en mer, le Front National. La jeunesse en mer, le Front National. La jeunesse en mer. Ouais, solidarité, ben, je crois que c'est le mot qui résume la quinzaine. Et c'est la proposition de Rodolphe Berger qui a ouvert un petit lieu à côté de l'entrepôt, en face de Corne d'Auroc, dans ce quartier qu'on connaît bien à Saint-Étienne, qui s'appelle l'Atelier, et qui nous proposera demain le vernissage de la première expo de Gilliane Ferreira et Stéphane Montmaillet autour de deux figures de la commune, Louise Michel pour Gilliane Ferreira, qui est allée se promener dans la rue Louise Michel, qui est une rue, une impasse, enfin en tout cas... Une impasse. Et qui va nous proposer le résultat de ses recherches, de son travail chez Rodolphe à l'Atelier. Et Stéphane Montmaillet qui a travaillé sur une figure stéphanoise, Coutor. Ah oui. Voilà. Étienne Faure, je crois. De son vrai nom. Ouais. Et donc demain, c'est demain à 19h, vernissage de ces deux expos. Et donc, j'en profite pour dire qu'il y aura d'autres expos pendant la quinzaine. Mercredi, aux ateliers de la rue Raisin, on exposera l'ensemble des affiches proposées par les élèves du lycée Sainte-Marie, lycée pro, qui a bossé sur stickers et affiches. Et l'exposition de Jean-Marc Serino au Choc Théâtre le 14, en prélude de la grande soirée bien dense qui aura lieu ce au Choc. Et ce samedi 14 septembre. Je profite juste moi parce que les Burrières Noires, ça m'a aussi rappelé à l'actualité. On va aussi faire des ponts, hein, forcément. Groupe et titre emblématique. D'abord rappeler parce que c'est une BD que je viens de parcourir qui est absolument fantastique aussi sur cet âge d'or, entre guillemets, de ce mouvement que l'on a qualifié, catégorisé de rock alternatif. 81-89, Vivre libre ou mourir. Punk et rock alternatif en France, que je recommande chaudement parce que c'est aussi tout un rappel de cette belle et grande époque, et puis surtout parce que les Bérus indirectement font un peu l'actualité avec François, membre emblématique du groupe, hein, qui vient de s'associer avec un artiste de la région qui est le saxophoniste Lionel Martin, et qui ont un nouveau projet musical qui s'appelle et s'intitule Suicide Act, l'album Interbellum, qui va paraître là à la fin de ce mois de septembre, le 27 septembre prochain. Voilà, avec François et Lionel Martin. Donc voilà, c'était juste le petit clin d'œil et l'actualisation aussi des choses. Bah, je crois que c'est important d'actualiser les luttes, et que cet idéal-là révolutionnaire auquel a participé Louise Michel ne reste pas dans une espèce d'écrin, mais que l'on fasse des ponts sur les luttes actuelles, moins actuelles, à venir, nécessaires, et que l'on se rencontre, et que l'on se rassemble autour de ces idéaux là. Et puis je fais le pont, on va dire, les passerelles artistiques et musicales, mais elle n'est pas que ça. Quand je parle aussi de cette bande dessinée Vivre libre ou mourir, on l'imagine bien, tout ce mouvement aussi début des années 80, c'est l'histoire musicale et utopique peut-être punk rock alternative française, mais c'est aussi associé à toute l'histoire, on va dire sociale et politique aussi, de l'époque, mais aussi hérité de toutes celles passées, et on peut remonter très loin. Alors justement, un autre groupe pour enchaîner, Sabrina, qui traverse d'ailleurs à la fois cette BD dont je viens de parler, et donc présent aussi dans ces années-là. On écoute et on en parle juste après. We'll be right back. Héros et martyrs, une proposition de Sidonie Vérac que vous retrouverez au Choc, donc le samedi 14 septembre. On parle beaucoup du samedi 14 septembre, de ce premier week-end, mais ça va être une soirée tellement dense que, ben ouais, que voilà, ça revient. Et je crois que sa proposition était d'abord un hommage à Julien Brigada, qui est décédé au début de l'été, et aussi parce que ça va faire écho à des choses qu'elle va raconter sur la construction de la figure de Louise Michel. Et la question qui se pose sur, d'un côté, comment sont mis en avant les militants, les militantes, bon, même si ici la chanson, le titre est très masculin, qui ont dédié leur vie hein, à la lutte politique, mais d'un autre côté, ce qu'on fait de ces exemples. Est-ce qu'on les met en avant? Est-ce qu'on les glorifie ou est-ce que on essaie de se rappeler que l'engagement n'est pas qu'une lutte individuelle? C'est donc exactement ce qu'elle aime, enfin, en tout cas ce que me renvoyait aussi ce titre, en effet, et notamment Louise Michel qui a été comme ça érigée un peu en figure emblématique, voire un peu la seule femme jugée digne d'apparaître comme ça dans cette galerie de communards, communeurs, communeuses, et puis quasi martyr en effet, voilà, notamment dès son retour, d'ailleurs après la Commune de Paris, elle a été au bagne et oui, en prison déportée, en 1873 en Nouvelle-Calédonie Kanaky pendant 7 ans à la presqu'île de Ducos. Et avec ce retour triomphant en 1880 où vraiment elle a été érigée là en quasi oui, martyr et héroïne. Et en effet, ça interroge, alors qu'on le disait tout à l'heure, d'abord dans cette élite de l'époque, dont elle pouvait faire partie quand même, hein, d'autres femmes avaient aussi leur place, mais surtout, et notamment, les femmes ouvrières, oui. Qui représentaient, en tout cas qui occupaient une grande place dans cette classe et ce prolétariat de l'époque, qui s'est aussi battu pour... le changement et le... Ouais, bien sûr, et puis vraiment bon, qu'elle soit exemple ou presque porte-parole et égérie de toutes ces femmes et de tous ces hommes qui se sont battus, dont on parle peu, trop peu, c'est une chose et c'est très très bien, mais juste de ne pas oublier, oui, qu'elle parle pour toutes et tous. Et je trouve que c'est intéressant la question que va nous poser, se poser Sidonie Vérac le 14 au Choc. Oui, on pourrait rajouter donc à cet objectif ou ces objectifs fondamentaux issus de la Commune, peut-être tentative de renverser les genres, la hiérarchie en tout cas de genre, comme celle de classe, de religion, mais aussi celle de figure comme ça, ouais. Un peu emblématique. On peut-être ouvre cette page suite à cette proposition musicale là, donc de cet autre temps fort autour ou décliné en rencontres nombreuses, oui. Dont on peut rappeler encore quelques rendez-vous peut-être. Oui, oui, oui, et puis rencontres enfin nombreuses et importantes pour recontextualiser la lutte, les luttes de Louise Michel auxquelles elle a appartenu ou et pour s'interroger ensemble, se questionner. Donc il y aura bon cette table ronde dont on a parlé tout à l'heure hein, autour de l'éducation et l'école publique à la CAL, une rencontre que l'on attend avec impatience avec Michel Zancarini-Fournel qui sera sur les ondes de Dio du 895, oui, avec l'émission mensuelle du Grémos, le groupe de recherche et d'études sur la mémoire du monde ouvrier stéphanois dont elle est membre active. Oui. Et ce sera ce mercredi à 17h puisque c'est le je ne sais plus deuxième ou troisième du mois. Bref, en tout cas, c'est bien ce mercredi pour la première du Grémos de cette saison. Et Michel Zancarini-Fournel, on la rencontrera, vous la rencontrerez si vous le souhaitez, à la Cinémathèque de Tarentaise après la projection d'un film de 70 minutes prévu à 19h, je le signale, parce que la rencontre n'aura pas lieu, comme c'est peut-être mal indiqué sur des reprises d'infos, à 19h, mais bien après la projection du film de Jean Asselmeyer. Mais après, venez voir le film, hein, il ne s'agit pas de venir après les 70 minutes dédiées au film, voilà, mais c'était juste pour repréciser les choses. Projection-rencontre. projection. Voilà, ça, c'est à la Cinémathèque de Tarentaise. C'est ça. Ce jeudi 12 septembre à 19h. Oui. Autour de ce film, c'est de deux vies pour l'Algérie et tous les damnés de la terre. L'Algérie qu'elle a aussi connue et parcourue au travers de ses nombreuses conférences qu'elle donnait, Louise Michel. Oui, et c'est ça le lien. En fait, le lien, je l'ai fait grâce à Michel Zancarini-Fournel, qui a écrit un merveilleux ouvrage des luttes et les luttes et les rêves. Et le travail de Jean Asselmeyer, c'est aussi ça, raconter les luttes et les rêves d'hommes, de femmes qui se sont battus, et en l'occurrence en Algérie. Et ça réactualise les luttes de Louise Michel. Donc ce n'est pas un film autour de la figure de Louise Michel ou de la Commune ou des luttes de cette époque, mais des luttes plus actuelles en Algérie, pays, comme tu le disais, que Louise Michel a parcouru et où elle est allée rendre visite à ceux qu'elle a pu croiser en Kanaky lors de sa déportation. Oui, ouverture en effet là avec Michel Zancarini-Fournel. Il en sera de même pour cette émission de radio, puisqu'elle ne portera pas que sur celle de Grémaux, hein, de ce mercredi 17h, que sur Louise Michel, mais sur les femmes dans les communes, et non pas que de Paris, mais de province. Oui. Donc ça, c'est aussi important de le rappeler, elle qui est donc spécialiste de l'histoire des femmes et du genre, notamment. Et puis d'autres rencontres, on ne va pas revenir sur la rencontre avec Ludivine Bantini, Philippe Roux et Sidonie Vérac le 14, on a bien compris que ça existait. Une rencontre avec Didier Ominal, que les Stéphanois et les Stéphanoises connaissent parce qu'il a longtemps chanté sous le nom de Monsieur Bidon, et là qui a fait un travail extraordinaire sur le luxe communal. Et qui va nous proposer une rencontre-conférence à la gueule noire sur cette thématique le dimanche 15 septembre. Une rencontre avec Philippe Mangion et Dominique Villès-Poiré, comme on l'a dit tout à l'heure. Je voulais juste revenir sur le luxe communal. Oui. Parce qu'en fait, de quoi il s'agit exactement? Parce que j'ai vu, alors par exemple, le 28 septembre prochain à Paris, il y a la fête de la Commune de Paris, le 28 septembre, pour et à l'occasion du bicentenaire de la naissance d'André Léo, l'écrivaine journaliste communeuse et révolutionnaire. Et dans cette programmation, ça va se passer sur la butte aux Cailles, place de la Commune de Paris, dans le 13e, le 28 septembre. Et dans cette programmation, en parcourant, là, en cherchant un petit peu des infos, j'ai vu qu'il y avait le luxe communal duo qui intervenait. Donc c'était pour faire peut-être qui vient jouer aussi, à la gueule noire, mais qui n'est pas sur la même proposition que Didier Ominal. Eh bien non. D'accord. Alors le nom du groupe, c'est Luxe Communal Duo. Ok. Mais eux, c'est comme une espèce de concert histoire sur les femmes de la commune, les femmes du 19e. Mais le luxe communal, je vais faire vraiment très court parce que Didier a tellement bossé, bûché, qu'il vous en parlera beaucoup mieux que moi. Les Versaillais se moquent des communards et des communards, les traitent de gueux et tout ça se renverse. Et les gens du peuple se soulèvent et disent « on va vous montrer ». Ce qu'est le luxe selon nous. Et Didier avait envie de proposer une espèce de défilé après sa rencontre-conférence, donc de vous proposer de venir à la gueule noire avec une idée, un vêtement, un objet qui raconte le luxe selon vous, en sachant qu'on l'a bien compris, c'est pour se moquer du luxe vu par les Versaillais, la bourgeoisie et voilà. Ok, et le luxe communal duo sera aussi à Saint-Étienne. Oui. Très bien. Donc, et qui clôturera ce dimanche 15 septembre à la Gueule Noire en nous proposant un concert. Et puis, autre soirée attendue de rencontre avec Clotilde Chauvin, qui a beaucoup travaillé sur Louise Michel et l'Algérie et la Kanaky, et Mamed Amatouche, qui est un chercheur brillant, qui a travaillé sur les échos de la révolte parisienne en Orient. Donc il a fait un long travail de recherche et qui viendra nous livrer le résultat de ses recherches au Choc Théâtre le 21 septembre en soirée à partir de 19h. Donc voilà pour les rencontres. Donc on aura de quoi se nourrir, se questionner, interroger les intervenants et les intervenantes, apprendre des choses, se convaincre d'autres, ou au contraire, se déconstruire, défaire ses a priori sur Louise Michel, son œuvre et ses luttes. Et, donc voilà, donc moi je les attends avec impatience, ces rencontres. Et ben oui, ça va être riche. Et alors j'attends encore d'autres comme ça, d'autres fils, mais juste pour aussi actualiser les choses, l'éducation, l'école publique que tu évoquais, qui va faire l'objet autour de l'approche de Louise Michel, mais aussi en temps de rencontres, et notamment ce lundi 9 à la CAL ce soir. Simplement rappeler que demain, mardi 10 septembre, c'est une grande journée de grève et de mobilisation. Il y en aura d'autres dans l'éducation. C'est essentiellement le premier degré qui va être mobilisé et en grève demain, mardi 10 septembre, qui fera d'ailleurs aussi l'objet de paroles syndicales dans ce même programme demain à partir de midi. Et il y aura d'autres manifestations à venir. Il y a une rentrée un peu sociale aussi là, oui, importante, hein, on l'imagine. C'était pour faire lien. Et puis juste parce que tu évoquais Philippe Mangion et aussi l'association des amis et amis de la Commune de Paris, à nouveau je aussi refais le lien, qui seront présents à Saint-Étienne, notamment le 19 septembre. Il y a aussi ce week-end le grand rendez-vous habituel qui est la fête de l'humanité, oui, la fête de l'humain. C'est ces 14 et 15 septembre, et il y aura notamment les amis et amis de la Commune de Paris 1871 qui seront présents et présentes au Village du Livre, avec notamment une rencontre sur Louise Michel. Philippe Mangion va dédicacer son livre à la fête de l'UMA ce week-end, Louise Michel Jeunesse. Oui. Voilà, qu'il aura l'occasion de présenter et dédicacer ce week-end. Et puis d'autres portraits de communards, notamment, qui vont faire l'objet de rencontres à la fête de l'UMA. Et une carte blanche avec Jean-Louis Robert, qui est un auteur historien de la Commune de Paris, qu'on avait rencontré, qui avait fait aussi à l'occasion de la commémoration en 2021, qui était venu à Saint-Étienne et qu'on avait pu aussi diffuser ici en rencontre, justement. Voilà, c'était juste pour faire à nouveau. Ouais. Mais c'est bien parce que ça me permet aussi de dire que Philippe Mangion ne sera pas uniquement au Choc le 19, mais à la librairie L'une et l'autre, où il viendra présenter Louise Michel Jeunesse. Voilà, suite à une espèce de petit montage que j'ai proposé de son ouvrage et que je lirai. Ce montage donc accompagné de Xavier Michel. Très bien, on continue justement à nouveau transition toute faite avec Xavier Michel et la musique, oui, et une nouvelle proposition musicale pour ouvrir justement une page musicale et les aspects concerts, rendez-vous important aussi de cette quinzaine. Descends du ciel où dorment tes brebis. Au duvet d'un berger, bel hiver, je te livre. Sous mon haleine encore, si ton sexe est de givre. Aurore le défait de ce fragile habit. Est-il question d'aimer au lever du soleil? Leurs chants dorment encore dans le gosier des pâtres. Écartons nos rideaux sur ce décor de marbre. Ton visage ahuri saupoudré de sommeil. Ta grâce m'accable et je tourne de l'œil. Beau navire habillé pour la lance des îles. Et du soir où te vergue insulte difficile. Où mon continent noir, ma robe de grand deuil. Quand l'air en grappe d'or un instant hors de Dieu, il respire et s'endort soulagé de vous rendre. Aidé de votre main, je crois le ciel descendre. Et tendre déposer ses gants blancs sur nos yeux. Ta douceur surtout qui t'isole et répand. Sur ton front délicat cette pluie de novembre. quelle ombre, quelle Afrique enveloppe tes membres. Crépuscule de l'aube habitée d'un serpent. Falsefeuille à l'envers et brouillards égarés. À quel arbre noué, fleur du vent, s'est écharpe. Mon doigt casse le gel au bois de votre harpe. Fille des joncs debout, les cheveux séparés. Oh, au port de ma casquette, un brin de noisetier. De travers accroché, l'oreille me chatouille. Dans votre cou, j'écoute un oiseau qui bafouille. Dorment mes chevaux debout dans le sentier. Caressant l'œil distrait l'épaule de la mer. Ma sandale est mouillée à l'aile décousue. Je sens ma main gonflée sous ta chaleur moussue. S'emplir de blancs troupeaux invisibles dans l'air. Oh, oh, oh. Peut-être que vous l'aurez reconnu. Peut-être. Peut-être. En tout cas, elle sera à Saint-Étienne dans le cadre de la quinzaine à la Cale le vendredi 20. Et c'est bien sûr la baronne. Sylvie Cobot de son prénom et vrai nom. qui avait quitté les terres stéphanoises pendant de nombreuses années. Eh bien oui, voilà, et qui nous revient et qui a accepté avec grande générosité de participer à cette quinzaine et avec un pianiste stéphanois qui s'appelle Jean-Claude Romeyer, avec qui elle a commencé ce projet il y a vraiment des années maintenant. Donc ce sont des retrouvailles, en plus d'être un cadeau pour nous de la recevoir à la Cale le vendredi 20. Et ça raconte la quinzaine aussi, et les quinzaines, c'est ces envies de rencontres, de rassemblements. Ce n'est pas un festival de compagnie, c'est pas un festival de gens en particulier, c'est plutôt, je suis chanteuse, je cherche un pianiste, je suis comédienne, je cherche des comédiens pour m'accompagner ou des musiciens. C'est vraiment une envie de se rassembler, de se rencontrer et de faire commun. Et donc c'est ce qui va se passer avec la baronne et Jean-Claude, cette réunification pour cette grande soirée de concert à la Cale où on découvrira Mondaine, un groupe de rap lyrique avec Priscilla et Fred, qui ne vivent pas très loin de Saint-Étienne, qui vivent à la Chaise-Dieu, ou en tout cas dans les environs de la Chaise-Dieu, et Armel Dumoulin, voilà, qui sera là pour conclure cette grande soirée. J'oublie pas la barricade qui l'entamera, cette grande soirée. Je fais juste une toute petite précision, on va essayer de commencer cette soirée de concert à la Cale très à l'heure. Elle devrait commencer à 20h, donc s'il vous plaît, venez un petit peu avant, prenez un verre au bar, installez-vous, et voilà, parce qu'elle va être longue. Et puis d'autres concerts pendant la quinzaine. On a évoqué tout à l'heure Luxe Communal Duo à la Gueule Noire. Et puis Jean-Claude Romeyer, toujours, qui va être associé à Karim, qui est un flûtiste, et qui vont jouer à la Galerie Rêve d'ailleurs lors de la lecture d'extraits des conférences de Louise Michel en Algérie par Colette Odina. Voilà, donc il y aura de la musique pendant pendant cette quinzaine aussi. De nombreuses chansons indociles, pour reprendre le titre de notre répertoire de La Baronne. Plaisir de retrouver, donc de retour sur scène à Saint-Étienne. Elle avait déjà eu quelques prestations là, au mois de juin, me semble-t-il, un peu ici et là, je crois, sur la saison, la trame Saint-Jean-Bonnefonds, Sorbier, le conservatoire à Saint-Étienne, mais voilà, assez rare finalement aussi sur scène. Des scènes ouvertes. Ouais. Des concerts, voilà, plein de choses en différents lieux toujours. Et puis je crois, Sabrina, qu'on arrive quasi au terme de cette émission. Donc dernière ligne droite avec encore peut-être quelques derniers éléments que l'on pourrait comme ça proposer. Ben, des petites choses, les repas auxquels vous pouvez, participer, juste histoire d'échanger de manière informelle. Ces scènes ouvertes qui ne sont pas juste pour remplir un programme, qui sont là aussi pour dire à ceux, celles qui avaient envie de participer ou qui auraient envie de participer à la quinzaine et qui ne sont pas dans cette espèce de programme papier ou sur les réseaux, d'y participer quand même, de se présenter avec un texte, une idée, toujours en lien avec l'œuvre et les luttes de Louise Michel ou des luttes actualisées. Mais en tout cas, c'est pour faire place à qui a envie de participer à cette quinzaine et ne se serait pas mobilisé avant, en temps et en heure. Moi, j'ai envie de remercier toutes celles et ceux qui font la quinzaine, hein, que ce soit Antoine de la librairie L'une et l'autre ou Félicien, la librairie Les Intrus, les gens qui sont dit moi j'ai rien à proposer ni d'artistique ni d'universitaire ou de mais je veux bien filer un coup de main. Je pense à Véro qui a cherché à réunir tous les titres que l'on m'a fournis pour faire une playlist quinzaine. Alors, on voulait juste préciser aussi que là, on en a diffusé quelques extraits. Donc, on est désolé auprès des autres propositions et autres contributions, mais on va tenter aussi, nous, de réaliser une programmation spéciale avec toutes, justement, les participations et contributions que tu as pu recevoir et tenter de faire une petite programmation spéciale qu'on va aussi, nous, proposer comme ça en rotation et en diffusion de façon assez aléatoire durant cette quinzaine. Ouais, et elles sont nombreuses. Et puis, tous les lieux partenaires qui ont confiance, qui aiment cette idée-là de quinzaine en complète autogestion, qui nous accueillent, qui nous ouvrent les portes, qui nous font confiance et Radio Dio et toutes celles, ceux qui ont des émissions et qui se sont dit allez, et donc une petite dédicace spéciale à Samuel qui a œuvré mais incroyablement pour que tout ça existe sur les ondes, émissions vraiment. Radio participantes. Et voilà, après moi je vous laisse libre de découvrir le programme et d'aller à notre rencontre et d'être spectateur, auditeur, auditrice, d'ouvrir votre gueule si vous en avez envie, de ne pas être d'accord, de venir échanger, de venir partager et que ce soit une belle édition. On rappelle quand même toute la programmation qui peut être rappelée là, si c'était compliqué pour vous de suivre tout cela. De toute façon, ouais. Là, c'était assez compliqué. En tout cas, c'est laborieux hein, de décliner une programmation pareille aussi dense. Quinzaine louisemichel.blogspot.com, ça on le rappelle. Et puis, sans tirer la couverture à nous, des temps radio qui sont prévus cette semaine, et je voulais le rappeler parce que tu en seras aussi de la partie. Rappeler les rendez-vous de cette semaine, par exemple, puisque pas plus tard que demain matin, après la rediffusion justement là, de cette émission, entre 8 et 9 heures et quelques poignées de minutes, c'est un temps de lecture sonique que vous allez proposer, si tu veux, intitulé « Gare à la revanche ». Ouais, ça c'est une proposition d'Anaïs Sintas. Je ne vais faire que prêter ma voix. Je crois qu'il s'agira du procès de Louise Michel. Très bien, donc voilà pour ce rendez-vous de ce mardi 10 septembre au matin sur le 895 de Dio, l'émission du Grémoz, la mensuelle du mercredi 17h et la première de cette saison pour le Grémoz avec Michel Zancarini-Fournel ce mercredi. Mercredi soir à nouveau carte blanche et antenne ouverte à partir de 20h et à nouveau là aussi une sorte d'émission collective, Sabrina. Oui, je crois que là il s'agit de pour vous d'accueillir l'équipe de Juliette, Bargès, Cécile, Emmanuel, Julie et Luce, qui vont nous faire une petite performance en direct, hein, je crois. intitulé « Je vous écris de la nuit », mercredi soir à partir de 20h sur Dio. À nouveau, jeudi soir, une autre émission qui se prête au jeu, c'est l'émission « Comme à la radio Dio » avec Louise Mitchell, Sound System Experience. C'est Dan aux commandes et c'est bien sûr ce programme expérimental à souhait. C'est à 22h jeudi soir. Voilà pour le programme diophonique prévu cette semaine. Et puis tu l'as dit, c'est quand même un sacré boulot là, que tu as fourni et que vous réalisez même collectivement. Mais on va le rappeler parce que la plupart des spectacles, enfin des propositions sont à prix libre. Oui. Et que ben, tout ça est fait aussi de façon un peu autogérée. Complètement. Avec des moyens complètement... artisanaux en tout cas, par vos propres moyens, mais que bah, tout soutien aussi, là aussi, est bienvenu. Participation libre, mais consciente, comme on le voit souvent. Ouais, c'est ça. Maintenant, on n'avait pas envie de proposer un prix libre conseillé. On avait envie que ça reste du prix libre, absolument. Donc oui, on attend du soutien, d'autant que je tiens à préciser que tous les bénéfices ne vont pas uniquement dans la caisse de l'organisation de la quinzaine. Je tiens à le préciser parce que par exemple ce soir, on a très envie que le prix libre aille à l'assaut de l'école Gaspard Monge pour l'hébergement des enfants. Voilà, donc on en parlera ce soir, mais et sinon bah évidemment ça nous sert à défrayer ceux celles qui ne vivent pas à Saint-Étienne. Voilà, donc on travaille avec de maigres moyens, mais voilà, donc tout soutien bienvenu. Ouais. Bien entendu. On va terminer, allez, deux points pour boucler. D'abord, en guise de générique de fin, Sabrina, si tu veux préannoncer là, le titre que l'on va écouter. Ouais, le chant des partisans, chanté par Catherine Ribeiro. Qui nous a quittés il y a très peu. Donc on va écouter ça en titre final. Et puis, quelques mots pour terminer. Il me semble qu'on avait convenu ça, Sabrina. Mots de la fin qui seront ceux... de Louise Mitchell précisément. Je ne sais pas si ce sont ceux qu'elle a prononcés lors de sa venue à Saint-Étienne, parce qu'on ne l'a pas précisé, mais oui, elle est venue à Saint-Étienne. Je crois qu'elle a même été arrêtée, à nouveau emprisonnée. Ouais, après, à Vienne. Des mouvements qui sont à Vienne dans la foulée, mais elle avait prononcé un discours à Saint-Étienne. C'est à la suite de ce discours qu'elle a été arrêtée, je crois que c'était 1890. Mais ce ne sont peut-être pas les mots de ce discours-là stéphanois, mais en tout cas des mots de Louise Mitchell en guise de ouais, fin. Ouais, juste quelques petits vers où elle nous dit que nous reviendrons, foule sans nombre, nous viendrons par tous les chemins, spectres vengeurs sortant de l'ombre, nous viendrons, nous serrant les mains. À bon entendeur. Juste pour dire que la commune n'est pas morte, ce bel idéal révolutionnaire. Dernier mot. Merci encore Sabrina. Merci à toi. Tout bon chez vous, portez-vous très bien. Félicitations à nouveau pour ce travail fourni et cette belle quinzaine qui s'annonce, en vous l'en souhaitant la meilleure possible. Et on termine avec Catherine Ribeiro, comme prévu. Salut, ciao, bye. Salut. J'ai entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. J'ai entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et de l'âme. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font de rêves. Ici nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe.